Toujours les mêmes thèmes, les mêmes sons, toujours les mêmes ambiances. La même conscience, les mêmes peines, je décris les mêmes scènes. On paraît bien mais loin de tout. Toujours la même France, la même haine. Check le mic, one, two, one love. Prends les miens, toi les tiens, je pense que c'est la même. Pourquoi on s'entretue, pourquoi j'attends que les anges s'amènent? Pourquoi la connerie mène les hommes? Pourquoi on l'entretient? Pourquoi certains ont faim et d'autres ont le ventre plein? Parce que c'est la nature, parce qu'on est immature. Parce que la terre est sale et que nous on la sature. Parce que je m'efforce d'être dans les temps et de jouer sur les tons. Parce qu'on espère aller au paradis, mais bon, admettons. Puisqu'on est seul et sale depuis l'embryon. Qu'on paraît bien mais loin de tout et que dans le mal nous brillons. Puisqu'on est con et que les secondes se comptent. Puisque la tristesse t'inonde dès que t'écoutes ce que je raconte. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. J'ai si peur que la mort m'emporte hors de tous mes souhaits. Sans connaître le bonheur. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. J'ai si peur que la mort m'emporte hors de tous mes souhaits. Sans connaître le bonheur. Des phénomènes, les hommes en ont trop fait, pourtant guise de trop, fait nos morts. Divers, c'est là où les faits nous mènent, lui-même peur. J'entends les mêmes pleurs, résultat, nous sommes une ampleur fécale dont j'ai vu le tas. Les uns prient et les autres mentent, le mal nous hante, en connais-tu le prix? L'effectif dans les ombres pris augmente, c'est les uns dirigés, les autres servent. La connerie s'érige, je me fige, mais c'est ce que j'observe. Elle m'inflige des séquelles immenses, c'est qu'elles sont denses et denses sur la même cadence. Mince, désolé, j'ai mince en pince, que je pense. Y'a pas de paradis ici, mais on cherche une parade. On sera et de vivre un test avant de tomber en rade. C'est grave, y'a plus de place dans mes rêves. J'ai déjà tout prévu, bref. Un petit clin d'œil pour ceux qui crèvent. Pour ceux qui partent seuls. Pour ceux qui croient qu'on dira toi t'iras au ciel. Mais c'est dans les flammes que tu finiras. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. J'ai si peur que la mort m'emporte hors de tous mes souhaits. Sans connaître le bonheur. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. Hors de tous mes souhaits, sans connaître le bonheur. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. J'ai si peur que la mort m'emporte. Hors de tous mes souhaits, sans connaître le bonheur. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. J'ai si peur que la mort m'emporte. Hors de tous mes souhaits, sans connaître le bonheur. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. J'ai si peur que la mort m'emporte hors de tous mes souhaits. Sans connaître le bonheur. J'aurais voulu que ça change un peu. Éteins mon âme et que mes larmes arrêtent de couler. J'ai mes armes et je fais ce que je peux. J'ai si peur que la mort m'emporte hors de tous mes souhaits. Sans connaître le bonheur.